Je ne marche plus. Ça marche mieux depuis que je marche moins. Je n'aurais jamais cru ça. J'ai passé ma vie à courir, à bondir sur les opportunités, à faire des sauts de puce d'un endroit à l'autre, à voler au secours du succès, à fuir les ennuis, sans doute aussi, parfois, à marcher sur des pieds. Comme tout le monde, j'ai travaillé à marche forcée jusqu'à mes 72 ans et demi. Mais à force de courir, bondir, sauter, voler, fuir, marcher, démarcher, j'ai construit une situation suffisamment solide pour faire cette chose si rare. Prendre ma retraite. C'était il y a 5 ans, le 22 mars 2065. Si vous ignorez ce que « retraite » signifie, allez voir sur Wikipédia. L'article date un peu, mais il reste exact. Bref, depuis ce jour, j'ai cessé de marcher. Mes jambes fonctionnent encore, à peu près. Il m'arrive par exemple de danser, de me lever quand le fauteuil ne passe pas un obstacle. Je nage souvent, je vole, de temps en temps. Mais non, je ne marche plus. Marcher pour moi, c'était marquer le temps, poursuivre l'urgence. Marcher, marquer, manquer. Travailler, produire, et encore manquer de quelque chose pourquoi il fallait encore travailler et produire, ou pire, faire travailler et produire les autres, auxquels je dois ma situation, et qui manquaient encore plus que moi. Arrêter de marcher a ralenti le temps pour moi, a resynchronisé mon corps, mes sens, avec le rythme de ce qui m'environne. Je me sens mieux. On se sent mieux autour de moi. Ce n'était pas difficile tant j'étais, me disait-on, difficile à suivre. J'ai conscience que je fais ce choix parce que je peux me le permettre. Parce que notre monde me le permet, que celles dont j'ai besoin me sont accessibles autrement qu'à pied. Que je pourrais même revenir sur cette décision, même si après 5 ans sans marcher, cela ne sera ni facile ni parfait. Mais j'ai au moins compris cela. Marcher, c'est marcher dans la combine. J'essaye d'en convaincre les plus jeunes. J'ai un peu de mal, je l'avoue. Il faudrait que je trouve un équivalent qui fasse sens pour elles et eux.